Chapitre 7e. C'était sur les domestiques et les subordonnés de M. Tyrrell que les excès toujours croissants de sa méchanceté se faisaient sentir plus particulièrement. Mais la personne qui en avait le plus à souffrir était cette jeune orpheline dont il a déjà été parlé. La mère de Miss Melville s'était mariée imprudemment, ou plutôt malheureusement, contre l'aveu de ses parents, et tous s'étaient accordés, d'après cette démarche précipitée, à lui retirer entièrement leur appui. Son mari avait été réduit à devenir une espèce d'aventurier. Il avait dépensé toute la fortune de sa femme, que la haine irréconciliable de la famille avait diminuée fort au-dessous de ses espérances, et l'infortunée était morte de douleur. Sa fille était restée encore enfant sans aucune ressource au monde. Dans cette situation, les personnes auprès desquelles elle se trouvait être placée vinrent à bout d'obtenir de Madame Tyrrell qu'elle reçut cette jeune orpheline dans sa maison. Dans l'équité, peut-être celle-ci avait droit à cette portion de fortune dont sa mère avait été privée par son imprudence et qui était allée grossir la part de la ligne masculine. Mais cette idée n'était jamais venue dans la tête ni de la mère ni du fils. Madame Tyrrell s'imaginait faire un acte signalé de bienfaisance en donnant à Miss Emily dans sa maison une sorte d'état amphibie qui n'était pas précisément un état de domesticité, mais qui n'était pas non plus celui qu'aurait pu attendre une personne de la famille. Cependant, cette jeune demoiselle n'avait pas été d'abord dans le cas de sentir toutes les mortifications auxquelles sa situation pouvait l'exposer. Madame Tyrrell était impérieuse et hautaine, mais n'avait pas un mauvais cœur. La femme qui vivait dans la maison, sous le titre de gouvernante, était une personne qui s'était trouvée autrefois dans un état plus fortuné et qui était d'un caractère sensé et aimable. Elle conçut de bonne heure de l'amitié pour la petite Émilie, qui, dans le fait, était presque en entier abandonnée à ses soins. De son côté, Émilie répondit de tout son cœur à l'affection de son institutrice et apprit avec la plus grande docilité tout ce que Madame Jakeman était portée de lui enseigner. Mais par-dessus tout, elle prit d'elle une humeur franche et enjouée, qui voyait tous les événements de la vie du côté le plus agréable et le plus consolant, et qui la portait à communiquer sans détour et sans déguisement les sentiments doux et innocents de son âme. Outre les avantages qu'Emily retirait des soins de Madame Jakeman, elle avait encore la permission de prendre des leçons des maîtres qui venaient au château pour l'éducation de son cousin, et dans le fait, comme le jeune gentilhomme avait toujours quelqu'un de disposition de commande, pour se dispenser de les écouter, il n'aurait eu pour l'ordinaire rien à faire au logis, sans la présence de Miss Melville. Madame Tyrrell encouragea donc pour cette raison les études d'Emily. Ajoutez à cela qu'elle imaginait que cet exemple de docilité et d'instruction agirait indirectement sur son cher Barnabas, comme un appât pour l'engager à s'instruire, seul genre d'aiguillon qu'elle se permit d'employer avec lui. À mesure qu'Émilie vint à croître en âge, elle développa une extrême sensibilité, qualité qui aurait été, dans sa situation, une source de peine continuelle, sans la grande douceur de son caractère. Elle était loin d'être ce qu'on peut appeler une beauté. Sa taille était petite et commune, son teint un peu brun et son visage assez marqué de petites véroles pour avoir perdu son poli et sa fraîcheur, mais non pas assez pour avoir perdu son expression. Quoiqu'elle ne fût pas belle, elle avait pourtant quelque chose de singulièrement intéressant. Sa figure respirait à la fois la santé et la sensibilité. Ses longs sourcils noirs se pliaient avec facilité aux divers mouvements de son âme, et ses regards portaient à la fois l'empreinte d'un discernement actif et d'une bonne humeur franche et naïve. L'instruction qu'elle avait reçue, étant le fruit du hasard et des circonstances, l'avait bien exemptée des défauts qu'entraîne l'ignorance, mais non pas de cette sorte d'ingénuité naturelle qui annonce une âme incapable de songer au mal ou d'en soupçonner dans les autres. Elle amusait, sans paraître penser à la finesse et à la justesse de ses observations, ou plutôt, n'ayant jamais été gâtée par des éloges, elle brillait de son éclat naturel et parlait de l'abondance pure et animée d'un jeune cœur, sur les fonds qu'avait amassé un jugement droit et actif, sans songer le moins du monde à se faire admirer ou remarquer. La mort de sa tante apporta très peu de changement à sa situation. Cette dame prudente, qui aurait presque imaginé commettre un sacrilège si elle eût regardé Miss Melville comme un rejeton de la famille des Tyrrell, ne fit pas d'autre mention d'elle dans son testament que de la porter simplement pour une somme de 100 livres sterling à l'article des legs des domestiques. Émilie n'avait jamais été admise dans l'intimité et la confidence de Madame Tyrrell, et le jeune gentilhomme, sous la protection duquel elle passait, semblait disposé à la traiter même avec plus d'égard que n'avait fait sa mère. Il l'avait vue croître sous ses yeux, et quoiqu'il n'y eût guère que 6 ans de différence entre eux, il avait pris une sorte d'intérêt paternel à son sort. L'habitude la lui avait rendue comme nécessaire, et dans tous les intervalles de la chasse et de la table, il se trouvait isolé et ennuyé quand la compagnie de Miss Melville lui manquait. Toutefois, la parenté qui les unissait et le peu de beauté d'Emily empêchaient qu'il eût jamais pensé à jeter sur elle un œil de désir. Les talents qu'elle avait étaient du genre le plus ordinaire. C'était la danse et la musique. Les dispositions qu'elle montrait pour le premier de ses talents avaient engagé M. Tyrrell à lui donner quelquefois la place vacante dans son carrosse quand il allait à l'assemblée du voisinage, car sous quelque point de vue qu'il jugea à propos de la regarder, il pensait que sa chambrière même, introduite par lui, devait trouver place sans nulle difficulté dans le cercle le plus brillant. Quant à la musique, elle servait souvent à le désennuyer. Émilie avait de temps en temps l'honneur de jouer devant lui, au retour de la chasse, et comme il avait quelque goût pour l'harmonie, elle en tirait parti pour adoucir quelquefois les agitations auxquelles son humeur sombre le rendait si sujet. Au total, on pouvait la regarder comme une espèce de favorite. C'était à sa méditation qu'avaient coutume de recourir les domestiques et tenanciers qui avaient encouru le déplaisir de leur maître. Elle était le compagnon privilégié qui pouvait impunément approcher ce lion farouche au milieu de ses rugissements. Elle lui parlait sans crainte, et comme ses prières partaient toujours d'un bon cœur et d'une âme désintéressée, même en la refusant, le tyran adoucissait encore la sévérité de ses traits et se contentait de sourire de sa présomption. Telle avait été pendant quelques années la situation de Miss Melville. La gaieté de son humeur et la clémence extraordinaire avec laquelle elle était traitée par son farouche protecteur l'étourdissait sur la nature précaire de son sort. Mais depuis l'établissement de M. Falkland dans le voisinage, le caractère toujours brutal de M. Tyrrell avait pris un nouveau degré de férocité. Depuis ce temps, il arrivait souvent que la pauvre cousine était traitée plus rudement qu'à l'ordinaire. Les petits soins et les badinages qu'elle avait coutume d'employer ne réussissaient plus de même, et quelquefois il se retournait vers elle avec un regard dur et impatient qui la rendait toute tremblante. Mais ses expressions passagères cédaient bien vite à l'enjouement naturel de son humeur, et elle revenait aussitôt à ses anciennes habitudes. Ce fut alors qu'une circonstance contribua à augmenter encore l'aigreur de M. Tyrrell, et vint mettre un terme au bonheur dont avait joui jusqu'alors Miss Melville. En dépit des contrariétés de la fortune, Emily avait précisément 17 ans quand M. Falkland revint du continent. À cet âge, elle était extrêmement susceptible de se laisser toucher aux agréments de la personne et aux belles qualités de l'âme, quand ses charmes se trouvaient unis dans une personne de l'autre sexe. Elle était imprudente, précisément parce que son cœur était incapable de mal. Elle n'avait jamais senti le malheur de la pauvreté à laquelle elle était condamnée, et n'avait pas réfléchi à la distance immense que la fortune a mise entre les classes de la société. Elle vit M. Falkland toutes les fois qu'il se rencontre avec elle dans les assemblées publiques, et elle le vit avec admiration, sans se rendre précisément compte à elle-même du sentiment qu'il entraînait. Elle suivait de l'œil, avec vivacité et inquiétude, ses moindres mouvements. Elle ne voyait pas en lui, comme le reste de l'assemblée, l'homme né pour posséder une des plus belles terres de la province et destiné à prétendre à la main de la plus riche héritière. Elle ne voyait que Falkland, orné de ses avantages qui tenaient plus intimement à lui et dont tous les revers de fortune possible ne pouvaient le priver. En un mot, elle était hors d'elle-même quand il était présent. Il était le sujet continuel de ses rêveries et de ses songes, mais cette image ne faisait rien naître chez elle au-delà du plaisir attaché à l'idée même. La manière dont à son tour M. Falkland l'avait remarqué était assez propre à encourager un cœur aussi prévenu que celui d'Emily. Il y avait dans ses regards un air de complaisance quand il lui était adressé. Il avait dit dans une compagnie, et une personne présente l'avait répété à Miss Melville, que cette jeune demoiselle lui paraissait tout à fait intéressante, qu'il était bien touché de lui voir un sort aussi peu assuré et aussi précaire, et que s'il n'avait pas peur de lui faire tort dans l'esprit soupçonneux de M. Tyrrell, il serait charmé de faire plus particulièrement sa connaissance. Elle avait écouté ces paroles avec ravissement, et comme si elles fussent venues d'un être supérieur qui avait la bonté de descendre jusqu'à elle, car il faut observer que si elle s'occupait trop peu dans Falkland des dons de la fortune, d'un autre côté, elle ne voyait qu'avec une sorte de vénération ses vertus et ses qualités personnelles. Mais tandis qu'elle semblait ainsi écarter bien loin toute espèce de comparaison entre elle et M. Falkland, vraisemblablement, elle nourrissait dans son âme je ne sais quelle idée confuse qui semblait lui dire que les destinées, par quelque événement extraordinaire, pourraient un jour concilier les choses les plus incompatibles en apparence. La tête pleine de ses préventions, toutes les petites civilités qu'elle avait pu recevoir de lui par hasard au milieu du cercle, son éventail qu'il avait ramassé, une tasse dont il l'avait débarrassée au thé, la prévenance la plus simple, faisait palpiter son jeune cœur et naître dans son imagination abusée les chimères les plus étranges. Vers ce temps à peu près, il survint un événement qui aida beaucoup à donner une détermination précise au tourbillon d'idées qui agitait Miss Melville. Peu après la mort de M. Clair, M. Falkland avait été un soir à la maison de son défunt ami, relativement à l'exécution testamentaire, et par quelques accidents peu importants au fond, il y avait été retenu 3 ou 4 heures plus tard qu'il ne comptait. Il ne quitta la maison pour s'en retourner chez lui que vers les 2 heures du matin. Dans un lieu aussi éloigné de la capitale, à une pareille heure, il règne un silence aussi parfait que dans une région tout à fait inhabitée. Il faisait un beau clair de lune, et tous les objets environnants marqués par de fortes variations d'ombre et de lumière, sans être en même temps vus d'une manière très distincte, imprimaient à cette scène une sorte de majesté religieuse. M. Falkland avait pris avec lui M. Collins, parce que l'affaire qu'il s'agissait de régler chez M. Clair avait quelque rapport à celle qui composait le service habituel de ce fidèle domestique. Ils étaient à causer ensemble, car M. Falkland n'avait pas alors pris l'habitude de ces formes graves et réservées qui rappellent sans cesse son rang à ceux qui l'approchent. Charmé du spectacle qui se déployait à ses yeux, et comme pour en jouir à son aise, il cessa tout à coup la conversation. Il n'avait fait que quelques pas, lorsqu'un vent sourd et impétueux parut s'élever à quelque distance, et qu'ils entendirent comme les mugissements de la mer. À l'instant, sur un des côtés de l'horizon, le ciel prit une teinte rougeâtre, et la route faisant à leur angle, ce phénomène se trouva directement devant eux. À mesure qu'ils avançaient, il parut plus distinctement, et à la fin ils ne purent plus douter qu'il ne fût causé par un incendie. M. Falkland pressa son cheval, et plus ils approchèrent, plus l'objet d'un moment à l'autre prenait un caractère effrayant. Les flammes s'élançaient avec fureur, elles embrasaient une vaste partie de l'horizon, et comme elles entraînaient avec elles une grande quantité de petits fragments embrasés et étincelants des matières qui leur servaient d'aliments, elles présentaient une image assez sensible de l'éruption d'un volcan. Le feu venait d'un village qui était directement sur leur route. Il y avait déjà 8 ou 10 maisons embrasées, et le reste paraissait menacé d'une destruction prompte et inévitable. Les habitants qui n'avaient jamais éprouvé une semblable calamité étaient dans la dernière consternation. Ils transportaient précipitamment leurs meubles et leurs effets dans les champs voisins. Quand ils avaient rempli ce triste office, autant qu'ils le pouvaient avec sûreté, ils étaient hors d'état d'imaginer d'autres remèdes à leur désastre, et ils restaient à contempler les ravages du feu en se tordant les bras et dans l'agonie d'un désespoir impuissant. Toute l'eau qu'il était possible de se procurer dans ce lieu par les moyens d'usage n'était qu'une goutte opposée aux fureurs du plus terrible des éléments. Le vent qui s'élevait en même temps ajoutait encore de plus en plus à l'activité des flammes. M. Falkland contempla ce spectacle pendant quelques minutes, comme méditant lui-même sur ce qu'il y avait à faire. Il ordonna aussitôt aux paysans qui étaient autour de lui de jeter bas une maison qui n'était pas encore endommagée, mais qui touchait à une autre déjà tout en feu. La destruction volontaire de leur propriété parut à ceux-ci un conseil fort étrange, et d'ailleurs l'entreprise était trop près du danger pour qu'aucun osât s'y hasarder. Voyant donc qu'il restait immobile, M. Falkland descend de son cheval et d'un ton d'autorité leur ordonne de le suivre. En un instant, il monte dans la maison et paraît sur le faîte comme s'il eût été au milieu des flammes. Ensuite, à l'aide de deux ou trois personnes qui le suivaient de plus près et qui s'étaient pendant ce temps pourvus des premiers outils qui se trouvèrent sous leurs mains, il détache le support d'un rang de cheminée et les précipite au milieu du feu. Il passe et repasse le long du toit, et après avoir mis du monde à l'ouvrage de tous les côtés, il redescend pour voir ce qu'il y avait à faire ailleurs. À ce moment, on vit s'élancer hors d'une maison tout en flammes une femme âgée qui avait la consternation peinte sur le visage. Aussitôt qu'elle put assez revenir à elle pour prendre une idée de sa situation, le sujet de ses alarmes sembla en un instant totalement changé. « Où est ma fille ? » s'écria-t-elle en jetant un œil perçant et inquiet dans la foule autour d'elle. « Ah ! Elle est perdue ! Elle est au milieu des flammes ! Sauvez-la ! Sauvez-la ! Ma fille !» Et elle remplissait l'air de ses cris aigus et douloureux. Elle retourne vers la maison. Les gens qui étaient auprès d'elle tâchent de l'arrêter. Mais elle se débarrasse d'eux en un moment. Elle entre dans l'allée, jette un coup d'œil sur l'horrible amas de ruines et court se plonger dans l'escalier embrasé. M. Falkland la voit, la suit et la retient par le bras. C'était Mme Jakeman. « Arrêtez !» cria-t-il d'une voix à la fois imposante et secourable. « Restez là, je vais la chercher, la sauver !» Mme Jakeman obéit. Il charge ceux qui étaient présents de la retenir et s'informe où était la chambre d'Emily. Mme Jakeman avait été voir une sœur qui demeurait dans ce village et l'avait amenée Emily avec elle. M. Falkland monte dans la maison voisine et entre par une fenêtre du toit dans la maison où est Emily. Au moment où il la trouva, elle venait de se réveiller et commençant à s'apercevoir du danger qu'elle courait, elle avait jeté sur elle à la hâte une partie de ses vêtements. Tel est chez les femmes l'effet irrésistible de l'habitude. Mais cela fait, elle s'était mise à promener tout autour d'elle, des yeux égarés où se peignait le désespoir. Ce fut alors que M. Falkland paraît dans sa chambre. Elle se précipite dans ses bras avec la rapidité de l'éclair. Entraînée par une impulsion trop forte pour admettre aucune réflexion, elle s'attache à lui et le serre étroitement. Son émotion était impossible à peindre. Ce peu d'instant avait valu un siècle pour l'amour. En un moment, on vit reparaître M. Falkland dans la rue avec le précieux fardeau entre ses bras. Après l'avoir ainsi arraché à une mort affreuse dont personne autre que lui n'eût osé la délivrer, et après l'avoir remise entre les mains de sa tendre protectrice, il retourne à sa première tâche. Par sa présence d'esprit, par son infatigable humanité, par ses efforts sans relâche, il sauva de la destruction les trois quarts de ce village. Enfin, l'incendie étant arrêté et commençant à céder, il revint trouver Mme Jakeman et Emily. Il fit voir l'empressement et les soins les plus tendres pour la santé de la jeune demoiselle et donna ordre à Collins d'aller avec toute la diligence possible chercher sa voiture pour la reconduire. Il s'écoula plus d'une heure dans l'intervalle. Miss Melville n'avait jamais eu occasion de voir si bien M. Falkland, et le spectacle de tant d'humanité, de générosité, de courage, de justice, de tant de vertus réunies à la fois dans un homme, était aussi nouveau que séduisant pour elle. Elle éprouvait aussi une secrète confusion en songeant à la manière dont elle avait agi au moment où M. Falkland était venu à son secours, et ce trouble, joint à ses autres émotions, y ajoutait un nouveau charme qui les portait jusqu'à l'ivresse. Elle ne fut pas plus tôt arrivée au château que M. Tyrell courut pour la recevoir. Il venait d'apprendre le triste événement qui avait eu lieu dans le village, et il tremblait pour son aimable cousine. Sa vue lui causa une de ces émotions involontaires qui sont communes à presque tous les individus de l'espèce humaine. Il était tourmenté de la crainte qu'Émilie ne fût restée victime d'une catastrophe qui n'avait éclaté qu'au milieu de la nuit. Il ne put se défendre des sensations les plus agréables quand il la serra dans ses bras, et quand dans un instant la joie et l'assurance succédèrent à la plus triste et à la plus effrayante incertitude. Émilie ne se vit pas plutôt rendue au lieu de sa demeure qu'elle oublia tout ce qu'elle avait souffert. Ses esprits étaient animés, et sa langue ne se lassait pas de parler de son danger et de sa délivrance. Elle avait déjà plus d'une fois mit M. Tyrrel à la torture par les louanges qu'elle prodiguait innocemment à M. Falkland. Mais ce n'était rien en comparaison de l'exaltation et de l'abondance des éloges qui coulaient maintenant de ses lèvres. L'amour n'agissait pas sur elle dans cette circonstance comme il le fait sur une personne accoutumée à rougir et qui aurait eu dans le cœur moins d'innocence. Elle vantait son activité, ses ressources, sa promptitude à concevoir, sa prudence courageuse à exécuter. Dans son récit naïf, tout était féerie et enchantement. On y voyait un génie bienfaisant qui surveillait et qui dirigeait tout. Mais on ne pouvait rien deviner des moyens humains qui avaient servi à l'accomplissement de ses desseins. M. Tyrrel écouta pendant quelque temps avec patience les rapides effusions de ce cœur innocent. Il supporta même d'entendre applaudir l'homme duquel il venait de recevoir un bienfait aussi important. Mais, par trop d'amplification, le récit finit par lui déplaire, et il ne put s'empêcher d'y mettre un terme par une remontrance un peu dure. Il est vraisemblable qu'en le repassant dans sa mémoire, il le trouva encore plus insolent et plus insupportable qu'il ne lui avait paru à l'entendre. Le premier mouvement de reconnaissance était effacé. Mais les louanges hyperboliques qui avaient été prodiguées revenaient toujours à son souvenir et leur bruit choquait encore son oreille. Il lui semblait qu'Émilie était aussi entrée dans la conjuration formée contre le repos de sa vie. Pour elle, elle n'avait pas la moindre idée d'avoir pu causer une offense à qui que ce fût, et dans toutes les occasions, elle citait M. Falkland comme le modèle des grâces et de la sagesse humaine. Elle ne savait ce que c'était que dissimuler. Son cœur sans expérience ne pouvait pas se figurer que l'objet de son admiration continuelle ne fût pas vu par tout le monde des mêmes yeux qu'elle le voyait elle-même. Cependant, son innocent amour s'enflammait plus que jamais. Elle se flattait que rien autre qu'une passion réciproque n'eût pu porter M. Falkland à la tentative désespérée qu'il avait arrachée aux flammes. Il ne doutait plus que cette passion le forcerait bientôt à rompre le silence, comme elle lui fermerait aussi les yeux sur la distance immense qui les séparait. M. Tyrrel cherchait d'abord à arrêter le cours des éloges de Miss Melville et de lui faire entendre par des signes assez clairs qu'un pareil sujet lui était peu agréable. Il était accoutumé à la traiter avec douceur. Émilie, de son côté, était disposée à lui obéir aveuglément et sans résistance. Ainsi, il ne lui fut pas difficile de la faire taire. Mais le moment d'après, à la première occasion, son thème favori revenait malgré elle sur ses lèvres. L'obéissance était, chez elle, la soumission d'un cœur bon et simple. Mais c'eût été la chose du monde la plus difficile que de la lui inspirer par la crainte. Elle, qui n'aurait pas fait de mal à une mouche, ne pouvait pas s'imaginer que personne conçût des sentiments de rancune et de méchanceté contre elle. Par caractère, elle n'était jamais dans le cas de disputer avec obstination contre les personnes sous la dépendance desquelles elle était placée. Et comme elle cédait sans hésiter, elle n'avait jamais eu de traitement sévère à éprouver. Les réprimandes de M. Tyrrel, au seul nom de Falkland, devenant plus marquées et plus constants, Miss Melville se tint davantage sur ses gardes. Elle s'arrêtait tout à coup quand elle se surprenait à dire des phrases à demi commencées à sa louange. Ce genre de précaution faisait nécessairement un très mauvais effet, et c'était une satire mordante de la faiblesse de son cousin. Quelquefois, dans ce cas-là, elle hasardait, d'un air libre et enjoué, quelques mots d'explication. « Mon cher monsieur, en vérité, je ne conçois rien à votre humeur. Sûrement, M. Falkland vous rendrait tous les services du monde. » Jusqu'à ce que quelques gestes de fureur et d'impatience la forçât de se taire. À la fin, cependant, elle vint à bout de se corriger tout à fait de ses fautes d'attention, mais il était trop tard. Cette passion, dont son cœur s'était laissé innocemment pénétrer, avait déjà excité les soupçons de M. Tyrrel. L'imagination de celui-ci, ingénieuse à se tourmenter, lui suggérait tous les moyens d'amener la conversation au point où Émilie n'aurait pas manqué de placer l'éloge de M. Falkland sans les entraves qui retenaient sa langue. La réserve qu'elle gardait alors était plus insupportable que ne l'avait été le flux de ses paroles. Toute la tendresse qu'avait montrée M. Tyrrel pour cette innocente orpheline vint à s'effacer de jour en jour. cet engouement pour l'homme qui était par-dessus tout l'objet de sa haine, lui parut le dernier trait de la persécution d'une maligne destinée. Il se regarda comme arrivé au terme de la prédiction de M. Falkland, condamné par une fatale étoile à être abandonné par toute créature ayant figure humaine. Tous les hommes lui semblaient être sous l'influence d'un maudit enchantement qui ne leur faisait aimer que le clinquant et l'artificiel, et leur inspirait une antipathie mortelle contre les productions vraies et simples de la nature. Frappé de tous ces sinistres présages, il ne vit plus Miss Melville qu'avec haine et aversion, et habitué comme il l'était à s'abandonner sans réserve à tous ses penchants, il se détermina bientôt à sacrifier cette faible victime à son implacable vengeance.